eza vre na confirme mosapi moko ki osuke nelongi te. Si nous nous mettons ensemble et associons Jésus, nous ferons des exploits comme le dit Lilo Banaye. Attitude d'un abisso, peut-être va n'y avoir.